que tes baisers, je chanterai pour toi toute la nuit. Je t'entends dire tes pinkos, adieu, je peux plus me baiser de nuit. Et tout va glisser sur ta peau, c'est comme si je te passais de l'huile. S'ils sont pas nous, c'est tant pis pour eux. S'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux. Fais-le-moi savoir quand c'est douloureux. Je suis là pour encaisser au nom d'eux. Si je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais besoin de moi. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps pour t'adieu mon sang. Et t'élever au rang de reine. Au rang de reine, au rang de reine. Et t'élever au rang de reine. Au rang de reine, au rang de reine. Oh, ah. Yeah. Je sais qu'amour c'est compliqué, avec toi c'est plus facile. Continue de rester toi-même, je ne regrette pas de t'avoir choisi. Je l'ai promis à ton papa, je vais prendre soin de sa fille. Yeah. Tu fais partie de ma famille, et Dieu sait combien j'aime ma famille. S'ils se demandent ce qu'ils sont curieux, s'ils te redemandent ce qu'ils sont envieux, ferme la porte à ceux qui font de leur mieux. J'ai d'être deux quand on sera vieux. Et je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais besoin de moi. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang. Et t'élever au rang de reine. Au rang de reine, au rang de reine. Et t'élever au rang de reine. Au rang de reine, au rang de reine. Oh, ah. Au bout d'un moment, y'a plus les mots. Ça y est. J'ai délaissé mon cœur dans ta paume. Je te laisserai pas t'en aller. C'est mort, j'ai mis du temps à te trouver. Mis à mort, celui qui dit qu'on s'est trompé. À tort, on se battra même contre eux. Les coups du sort à se parler. Au bout d'un moment, y'a plus les mots. Ça y est. Délaissé mon cœur dans ta paume. Je te laisserai pas t'en aller. C'est mort, j'ai mis du temps à te trouver. Mis à mort, celui qui dit qu'on s'est trompé. On s'en battra qu'on a tous les coups du sort. Et je le sais, je t'en fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang. T'élever au rang de reine. Au rang de reine, au rang de reine. Je t'élever au rang de reine. Au rang de reine, au rang de reine. Oh, oh, oh. Je t'élever. Mais